Dans la maison du serpent. Marie-Thérèse ouvrit les yeux. De quel rêve sortait-elle? Dans quel rêve entrait-elle? La voix plaintive du petit Cristobal la rappela d'une façon précise et aiguë à l'horrible réalité. Elle tendit les bras pour qu'il s'y vînt jeter, mais elle ne sentit ni ses baisers ni ses larmes. Ses paupières se soulevèrent avec effort pour rejeter le poids du sommeil magique qui l'étouffait encore. Son front pâle roulait sous ses cheveux, dénoués et flottants. Elle desserra les dents pour respirer, et elle semblait une noyée, tout à fait morte, qui revient à la surface des eaux pour chercher l'air et la vie. Ainsi remontait-elle du fond des ténèbres et des songes, où la plongeait presque instantanément le sachet sacré, toujours prêt au point hideux des trois momies vivantes. Les mamaconas, elles aussi, avaient des parfums redoutables qu'elles allumaient autour d'elles pour la rendre immobile. Et l'épouse du soleil devenait statue quand elle brûlait dans des vases précieux la résine de sandia, plus odorante que l'encens, plus endormante que la jusquiame et plus hallucinante que l'opium. Alors elle pouvait chanter sans crainte d'être dérangée. Marie-Thérèse était partie pour ailleurs et ne les entendait pas et ne voyait rien de ce qui se passait autour d'elle. Chose singulière dans cet état de transposition, elle était portée par l'esprit dans son bureau des magasins de Calao, à l'instant précis où Raymond, à la fenêtre, avait appelé Marie-Thérèse et où elle avait laissé tomber le gros registre vert. Puis elle était tourmentée par l'idée qu'elle avait laissé inachevée une lettre qu'elle écrivait au correspondant de la maison d'Anvers pour lui rappeler qu'au prix qu'il voulait y mettre, il ne pourrait avoir que du guano phosphaté qui n'aurait que 4% d'azote, et encore. Elle avait laissé cette lettre inachevée parce que l'on avait frappé à la fenêtre et qu'elle était allée ouvrir, et où elle croyait voir apparaître Raymond. Et c'étaient les trois crânes monstrueux des trois momies vivantes qui s'avançaient maintenant vers elle dans la nuit, avec leurs mouvements de pendule, et qui se jetaient tout à coup sur elle et qui posaient brutalement sur sa bouche leurs mains parcheminées par la nuit éternelle des catacombes. Quand elle sortait de sa lourde léthargie, elle croyait avoir fait un rêve. Mais les yeux ouverts sur la réalité, elle ne savait plus si, au contraire, elle ne faisait qu'entrer dans le songe. Quand Marie-Thérèse, cette fois, ouvrit les yeux, elle était dans la maison du serpent. Elle savait que le jour où elle se réveillerait dans cette maison-là, elle serait bien près de la mort, car on ne devait l'y faire entrer que pour la donner à Huayna Capac, l'avant-dernier roi des Incas, qui venait la chercher pour la conduire et l'offrir à Atahualpa, dans les demeures enchantées du soleil. Les mamaconas l'avaient instruite de ce détail, comme c'était leur devoir. Car au cours du voyage, on lui avait laissé des moments lucides où on la nourrissait du nectar nécessaire à la conserver vivante jusqu'à la cérémonie et aussi des principes d'une religion dont elle était la proie sacrée. On lui avait appris ses devoirs d'épouse du soleil. Elle avait cru d'abord qu'elle serait assez heureuse pour perdre la raison. Une fièvre si terrible l'avait prise dans les bras de ses gardiennes qu'elle avait pu espérer que son âme s'envolerait avant qu'elle eussent maîtrisé son corps. Mais elle connaissait les secrets qui guérissent cette fièvre-là, ayant été élevée dans la montana. À l'époque, elle lui avait fait boire une eau rougeâtre pendant qu'elle chantait. « La fièvre a étendu sur toi sa robe empoisonnée. La haine que nous avons jurée à ta race nous a poussés à faire serment de ne jamais révéler le secret qui l'a guérie. Mais le mal t'a frappé, et notre amour pour l'épouse du soleil est plus fort que notre haine contre les tiens. Bois au nom d'Atahualpa qui t'attend. » Ainsi elle était revenue à la vie pour mourir. Mais après chaque étape, au moment du départ, les petites momies vivantes revenaient avec leur sachet sacré. Et il suffisait ainsi que les mamaconas s'allumassent en chantant la sandia au fond des vases précieux pour qu'elle ne fût plus à nouveau qu'une statue inerte entre leurs mains agiles. Ainsi lui avait-on fait traverser tout le Pérou. Ainsi était-elle arrivée à Arequipa, dans la petite maison en adobe qui devait être la dernière étape avant la maison du serpent. Là, elle avait vu apparaître pour la première fois Huascar, qui portait dans ses bras un léger fardeau recouvert d'un voile. Elle avait eu la force de se lever à son approche. Elle lui avait crié « Tu viens pour me sauver !» Elle avait dit cela sans se préoccuper de toutes les oreilles qui étaient là. L'autre lui avait répondu « Tu appartiens au soleil, mais avant qu'il te prenne, je t'apporte une grande joie. Tu vas pouvoir embrasser ton petit frère. » Il avait alors soulevé le voile et lui avait présenté l'enfant endormi. Elle poussa un cri et voulut se jeter en avant, mais Oscar recula, car il était défendu de toucher à l'épouse du soleil. Les trois gardiens du temple étaient là, balançant leur crâne hideux. Ils donnèrent l'ordre à l'une des mamaconas de porter l'enfant endormi à Marie-Thérèse. Alors celle-ci l'avait pris dans ses bras avec désespoir et l'avait embrassé en pleurant. C'était la première fois qu'elle pleurait depuis qu'elle était prisonnière. Ses larmes tombèrent sur les paupières de l'enfant qui ouvrit les yeux. Elle dit « Comment l'avez-vous ici? Vous n'allez point lui faire de mal !» Oscar, pendant que l'enfant, pendu au cou de sa grande sœur, sanglotait dans son sein, « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse » avait-il répondu. « Nous ferons ce qu'il voudra. Moi, je ne demande pas mieux que de le rendre à ses parents. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui décidera de son sort, qu'il prenne garde à ses paroles. C'est tout ce que je puis dire, tout ce que je puis faire pour vous. J'en appelle aux trois gardiens du temple. » Ceux-ci balançaient leur crâne hideux pour approuver tout ce que disait Oscar. Marie-Thérèse, qui couvrait l'enfant de baisers, releva son beau visage où était peinte une épouvante nouvelle. « Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire avec « qu'il prenne garde à ses paroles »? Est-ce qu'un petit enfant peut prendre garde à ses paroles ?» Oscar alors s'était adressé au petit Cristobal. « Enfant, veux-tu venir avec moi? Je te rendrai à ton père. » « Je veux rester avec Marie-Thérèse, » avait répondu Cristobal. « L'enfant a parlé, » avait dit Oscar. « Il ne te quittera plus. C'est le rite, n'est-ce pas, vous autres ?» Les trois gardiens du temple balançaient leurs crânes. Alors Oscar, avant de partir, avait prononcé les mots du psaume Aymara. « Heureux sont ceux qui parviendront purs dans le royaume du soleil, purs comme le cœur des petits-enfants à l'aurore du monde. » Oscar, Oscar, souviens-toi de ma mère, et pitié de nous. » Mais Oscar avait salué les gardiens du temple et était parti. Marie-Thérèse avait étreint le petit Cristobal, l'avait serré sur sa poitrine comme une folle. Malheureux enfant, pourquoi es-tu venu? Pour te dire, Marie-Thérèse, de ne pas avoir peur. Papa et Raymond vont venir. Ils te cherchent, ils sont derrière nous. Ils nous sauveront. Mais si tu meurs, je veux mourir avec toi. Alors ils avaient pleuré, pleuré tous les deux, et ils n'avaient pas cessé de s'embrasser, et leurs deux visages étaient ruisselants de leurs larmes mêlées. Puis étaient revenus les mamaconas, qui avaient disposé leurs trépieds, leurs vases sacrés, et on avait allumé la sandia, et ils s'étaient endormis tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Et maintenant elle se réveillait dans la maison du serpent, et elle ne sentait plus contre elle les baisers et les larmes de Cristobal. Cependant il criait, il l'appelait. Elle parvint à se dresser dans le fauteuil où on l'avait étendue, et alors elle vit, en face d'elle, l'enfant tout nu entre les mains des mamaconas. Effrayée, Marie-Thérèse voulut courir au secours de Cristobal, mais six mamaconas l'entourèrent et la calmèrent momentanément, en lui affirmant qu'on ne ferait aucun mal à l'enfant et qu'on procédait simplement à sa toilette, comme il allait être fait pour elle, car ils devaient revêtir, tous deux, la robe en peau de chauve-souris. En lui parlant, elle lui donnait un titre qu'elle n'avait pas encore entendu dans leur bouche. Elle lui disait « Kwaya », qui en inca signifie « reine ». Elles la prirent dans leurs bras puissants, comme une poupée, lui enlevèrent la robe couleur de soufre dont on l'avait revêtue dès la première étape dans l'hacienda d'Ondegardo, et elles recommencèrent, comme elles avaient fait alors, à la frotter d'huile et d'onguent odoriférant, en chantant une lente mélopée qui berçait singulièrement l'esprit. C'étaient de grandes et fortes femmes de la province de Puno, nées aux rives du lac Titicaca. Elles étaient vigoureuses et belles. Leur démarche était un peu dansante, presque toujours rythmée, mais souple et harmonieuse. Leurs bras dorés et fermes sortaient nus des voiles noires. Elles avaient des yeux magnifiques, la seule chose qu'elles laissaient voir de leur visage. Marie-Thérèse et le petit Cristobal avaient peur d'elles, mais elle n'était point méchante. Deux d'entre elles devaient mourir avec Marie-Thérèse pour lui préparer la chambre nuptiale dans le palais du soleil, et c'était celles qui se montraient les plus alertes, les plus chantantes, les plus encourageantes. Elles étaient pleinement heureuses et regrettaient que la fille ne montrât pas la même joie. Elle faisait cependant ce qu'il fallait pour cela, lui décrivant les plaisirs qui l'attendaient là-haut et lui vantant avec prosélytisme le bonheur qu'elle avait d'être choisie entre toutes pour devenir la Kwaya. Elle portait de lourds bracelets d'or aux pieds qui sonnaient quand se heurtaient leurs chevilles et de larges anneaux aux oreilles. On n'entendait plus l'enfant. Il était sage. On lui avait promis, s'il se tenait tranquille, de le reporter dans les bras de Marie-Thérèse. Celle-ci également se laissait aller aux mains des mamaconas avec docilité. La litanie dont elles endormaient ses oreilles endormait aussi son esprit, lourd encore du sommeil magique dont il sortait. Une pensée était en elle qui la soutenait aussi. C'est que l'on savait où elle était, ce qu'elle était devenue, qui l'avait enlevée et pourquoi. Elle était sûre qu'une pareille horreur ne serait pas commise. On les sauverait tous deux. Le petit Cristobal avait pu la rejoindre. Que ne pouvaient faire son père et Raymond? S'ils n'étaient pas intervenus plus tôt, c'est évidemment qu'ils voulaient agir à coup sûr. Elle s'attendait d'un moment à l'autre à voir apparaître leur sauveteur avec la police et des soldats. Et tous ces sauvages fuiraient dans leurs montagnes, et on ne les verrait plus. Et cet affreux rêve serait oublié. En attendant, elle ne résistait pas. Elle se sentait faible comme une enfant devant le destin. Seuls les pleurs du petit Cristobal parvenaient à l'émouvoir.